Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette présence nombreuse. Donc, moi, je m'appelle Josiane et je fais partie d'un certain réseau stéphanois depuis quelques années sur un quartier populaire de Saint-Étienne. Et je suis vraiment ravie qu'on puisse parler aujourd'hui du premier livre d'une collection, Écologie de la Libération, Terre avec un S et Liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la Libération. Donc je suis en compagnie de deux militants de l'association A4 qui pourront vraiment nous parler du gros travail qu'ils réalisent autour de l'accueil des migrants et des rapports ville-campagne, des rapports avec les paysans. Mais je voulais quand même vous dire un petit peu pourquoi j'avais envie d'introduire ce livre. Je trouvais que c'était très intéressant dans cette rencontre au Salon Tatou Juste qui fête ses 20 ans de pouvoir interpeller les dynamiques écologiques en cours pour mettre en évidence la place et le rôle essentiel de toutes celles et ceux qui sont impactés le plus par les crises environnementales et qu'on concerte le moins. C'est un grand paradoxe, mais on en est vraiment là aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des personnes silencieuses et ce sont des personnes qui agissent, mais tout simplement elles sont invisibilisées un peu partout. Ce n'est pas nouveau, mais le problème c'est que ça perdure. Frantz Fanon écrivait déjà « On sait vivre autrement. Les communautés opprimées n'osent pas admettre que ça ne change rien à l'ordre du monde. » Donc on sait faire plein de choses un peu partout ailleurs et on ne peut que s'enrichir de tous ces savoir-faire et de toutes ces réflexions. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est de plus en plus nombreux à comprendre que la crise sociale et la crise environnementale sont liées et doivent être combattues ensemble. On les combat, évidemment, en s'attaquant à ce mode de production extractiviste, écocide, qui accumule toujours plus de profits exorbitants. Alors, ce système exploite et détruit ce qu'il estime être des ressources naturelles, des ressources humaines, tout le vivant, en fait. Et la question qui est posée dans ce livre, avec un certain nombre de réponses, c'est comment on fait bloc face à cette urgence militante où toutes les forces, les expertises, les savoir-faire sont à mobiliser si on veut espérer développer d'autres modes de production et construire un monde habitable. Comment on inclut les personnes non blanches dans tous nos combats? Donc les réponses, on va en parcourir un certain nombre aujourd'hui. Donc ce livre, il est écrit sous la direction de Fatima Wasak. Alors certains d'entre vous pensaient que Fatima Wasak serait présente avec nous. Mais on a la chance d'accueillir une association qui n'est peut-être pas encore trop bien connue et qui peut vraiment nous permettre des ouvertures. Donc ce livre a été écrit à plusieurs mains. Tout un collectif d'auteurs et d'autrices, des philosophes, des maîtres de conférences, des anthropologues, ingénieurs en environnement, mais aussi des artistes, des paysans et des militants engagés dans des luttes et des résistances un peu partout sur la planète et aussi à différents moments de notre histoire. Donc on a avec nous Seidjom Adoum et Ben Sabala Sidi, et on les remercie vraiment chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui, parce que ça va vraiment nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui est prévu dans ce travail. Donc on parlait de cette difficulté à inclure les personnes non blanches, et puis on sent aujourd'hui que ça fait écho à cette vraie menace fasciste qui se développe un peu partout. Donc je voulais vous lire un très bref extrait de Fatima Wasak, donc elle sera un petit peu parmi nous aujourd'hui, qui nous dit en introduction « L'horizon s'obscurcit d'une possible gestion fasciste de l'urgence climatique. Plus question de partager l'eau, l'air, la terre, la possibilité de vivre avec celles et ceux décrétés indignes d'appartenir à l'humanité. Cette possibilité du fascisme prend corps très vite. » Donc Fatima Wasak parle beaucoup d'écologie des frontières. Donc ce manifeste ouvre des perspectives en matière d'écologie et d'antiracisme. Alors c'est encore nouveau, mais il y a des ébauches. On l'avait ressenti au moment de la grande marche pour le climat en 2020, où sur les parcantes, on pouvait lire « Génération climat, génération Adama, on veut tous respirer ». Donc il y a vraiment des choses qui arrivent à se mailler et à devenir un peu plus cohérentes dans des luttes qui se croisent, enfin. Donc dans ce livre, on est invité à reconnaître cet héritage meurtrier, le colonialisme, qui nous aliène tous encore aujourd'hui, qui dégrade nos relations de partout, en développant des rapports d'oppression, de domination, d'exclusion, de ségrégation. Et il est primordial aujourd'hui, tous ensemble, de déconstruire ces places et ces assignations et apprendre à se rencontrer dans un rapport d'égale dignité. Ce n'est pas une mince affaire et tout le chemin est à parcourir aujourd'hui. Donc ce manifeste pose clairement le cadre. Vous écrivez, je crois que c'est dans votre article, « Les ravages écologiques sur les êtres et les terres produits par la combinaison du système d'oppression patriarcale, capitaliste et coloniale ». Donc ce manifeste pose ce cadre en ouvrant vraiment des voies d'émancipation et en posant des questions essentielles sur comment réussir à faire monde ensemble, comment rendre possible de nouvelles façons d'habiter la Terre, avec cette invitation à la pluriversalité. Je pense qu'on en parlera en conclusion. Donc ce magnifique travail fait écho pour des militants à Saint-Étienne qui s'efforcent effectivement de construire des choses avec tous. Et comme je vous disais, ce n'est pas un exercice facile. Donc pour cette conférence, on ne pourra pas parcourir toutes les grilles d'analyse qui sont développées, mais on essayera d'en retrouver qui sont essentielles à débattre aujourd'hui. Et après, je vais m'arrêter, vraiment vous laisser la parole. J'aurais aimé introduire ce travail par un magnifique texte. On parlait de l'héritage colonial et capitaliste. Et il y a une belle analyse très sensible de la situation palestinienne par Omar Al-Soumi, qui est un paysan franco-palestinien et qui est fondateur du collectif Urgence Palestine. Je crois qu'il a été placé récemment en garde à vue. Alors je ne sais pas comment les choses ont évolué pour lui. Donc il a écrit dans ce livre un article qui s'appelle « La Palestine est le nom de notre résistance. À l'heure de la raréfaction des ressources nécessaires à la vie sur Terre, à l'heure des grands dérèglements des cycles de l'air et de l'eau, où les milliardaires qui prétendent diriger le monde voient nos peuples comme surnuméraires, le régime fasciste israélien incarne une gouvernance de la Terre qui est une menace pour l'immense majorité des habitants de cette planète. Les habitants de Gaza, transformés en reporters documentant leur propre destruction, ont montré la beauté terrible qu'il y a à cultiver la vie jusque dans les décombres de leur maison. Un grand-père berce sa petite-fille tuée par l'armée coloniale. Il dit son amour pour celle qu'il appelle « cœur de mon âme ». Dans une tristesse infinie, qui vient rencontrer une foi profonde qui permet de rester humain malgré tout. Plus que la colère contre l'horreur génocidaire, ce qui anime les foules immenses, c'est cette recherche de cette lumière qui nous vient de Palestine. Pour lutter sans devenir tyran, il faut savoir faire le deuil, apprendre à faire confiance à la force infinie du vivant, ce souffle puissant par lequel advient les possibles. La figure du martyr est centrale dans la narration collective de notre peuple en lutte. Celles et ceux qui sont tués dans le combat contre l'oppression restent vivants. Il incombe à chacun, chacune d'entre nous, de porter ce legs qu'ils nous ont fait, le sacrifice de la vie pour la vie. En arabe, le mot amana est cette charge individuelle et collective, ce patrimoine dont nous sommes les gardiens, notre responsabilité étant de le faire fructifier dans l'intérêt de ce qui élève la communauté. Cette amana nous oblige à construire des communs, qui sont des espaces de souveraineté collective, face aux tentatives déjà amorcées de faire de la reconstruction de Gaza un outil de contrôle et de domination impérialiste. Remplacer la soif de posséder la matière par la quête du sens et l'amour du partage. Donc, dans ce livre, comme je disais, il y a plusieurs auteurs. Et là, ça vous concerne directement. Il y a un article qui est de Nadia Yala Kisudiki, qui est philosophe et maîtresse de conférences à Paris 8. Et son article s'intitule « Terre du retour, terre de repos ». Et ensuite, il y a votre article qui s'intitule « Ancrage dans la terre et liberté de circuler ». Donc je trouvais que ça avait vraiment du lien et du sens. Et il y aurait un peu cette question, parce qu'elle évoque le fait que être ancré dans une terre, c'est avoir accès à son passé, au présent, celui de l'action, et envisager un futur, un horizon de certitude pour ses projets. Donc ça serait un peu la question, c'est quoi la terre du repos et la terre où on peut vivre en paix? Et puis ça vous permet vraiment d'introduire tout votre beau travail de l'association A4 et puis bien sûr de vous présenter. Merci beaucoup d'être nombreuses et d'être là aujourd'hui. C'est un honneur que voilà, du coup, nous, on puisse être là et présenter notre association et les travaux qui étaient faits derrière ça. Et moi, je vais vous dire très rapidement comment l'asso a été créé jusqu'à présent. L'asso, il s'appelle Association Accueil Agriculteur Artisanal. Donc, on a tout court dit A4 parce que voilà, tout commence par A, quoi. Et l'idée de l'association, c'est venu parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient île Saint-Denis et qui se luttent, différentes luttes. Et après, ils se sont rencontrés là-bas, cette rencontre qu'on a fait là-bas, ces moments-là. Et mais c'était vraiment le Covid. Et c'était compliqué pour qu'on puisse vraiment se voir pour rencontrer parce que voilà, il fait que voilà, du coup, on s'est loin l'un l'autre. Alors que nous, on vit d'or déjà et on est tous les jours ensemble. Donc voilà, on avait dit bah ça ne change rien pour nous. Donc comment on peut mettre nos idées en place avant que voilà du coup on puisse rapprocher d'autres personnes pour qu'on puisse partager ce qu'on a. Et après ça, on a été invité par Refri des Terres à Notre-Dame-des-Landes pour que chacun nous raconte son parcours, comment il est arrivé ici, et comment on envisageait vraiment montrer et sortir cette association pour créer, pour que voilà du coup ça puisse bénéficier à toutes et à tous. Et c'est là que voilà du coup on a présenté l'association, ils étaient là, j'ai dit waouh, c'est trop bien, c'est trop cool que voilà des gens qui ont dans les difficultés d'aller avoir dans les territoires français, qui ont du mal à avoir des papiers français, qui ont du mal à accéder dans les droits et qui ont envie de prendre les choses en main, qui ont envie de vraiment avancer pour que là où voilà les autres qui ont du mal à trouver les solutions, comment à réfléchir ensemble pour que voilà du coup on puisse mener ce combat ensemble. Donc les idées qui ont sorti, les constats qui ont sorti vraiment mettre lien entre ville et la campagne. Donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en campagne et il y a beaucoup de gens qui vivent en ville et comment on peut mettre des idées différentes ensemble pour qu'on puisse travailler ensemble et pour que voilà on puisse aller visiter la campagne française et ben tu pourquoi pas faire un voyage enquête. Donc d'où vient cette voyage enquête et on a fait 7 voyages enquête total dans les territoires qu'on a pu aller rencontrer des paysans et des associations et des artisans pour discuter quoi. Et de cette voyage enquête, on a pris un voyage enquête, c'était Montagne Limousin et deuxième voyage enquête, c'est région PACA vers Marseille et troisième voyage enquête, c'était Lannion en Bretagne et Grenoble et l'Isère et vers Centrafrique et vers Plessé et Narbonne. Et voilà. Et après ces voyages d'enquête, ça nous permet aussi de créer vraiment un groupe local. Ces groupes locaux, ça nous permet vraiment d'avoir pas aller déplacer à chaque fois. Si on ne peut pas dire que parce que chaque endroit, déplacement, ça coûte très très cher. Et pour aller en ville, dans une ville, et ça nous permet vraiment, on peut s'organiser. On a créé plein de groupes qui ont été créés, soit groupes juridiques et groupe de travail et collégial, parce qu'on fonctionne en collégial, quoi. Il n'y a pas un président ou quelqu'un qui décide, donc on essaie de voir vraiment ce qui décide tout ensemble pour que voilà, on puisse rendre les choses encore meilleures. C'est pas facile, mais voilà, ça avance, ça marche entre nous, donc on a dit pourquoi pas. Et voilà. Et là, on travaille beaucoup parce qu'on avait dit, et l'objectif de l'association, c'est formation, régularisation et logement. Et pour trouver un travail, pour qu'on puisse accompagner les gens administrativement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont là, qui ont galère des papiers, et comment on peut faire. Mais pour rentrer dans l'asso, ce n'est pas question que voilà, des gens qui n'ont pas de papiers, qui doivent, et ceux qui ont des papiers, qui n'ont pas de droit. Tout le monde est bienvenu, la porte est toujours ouverte. Comment on peut rendre vraiment et ça à tout le monde puisse bénéficier. Ce n'est pas juste voilà, nous seuls qui on doit bénéficier. Quoi. Et on fait donc maintenant, on répartit tous les groupes. Donc il y a groupe permanence à Île-de-France, comme moi je suis en Île-de-France. Donc on fait permanence tous les mercredis. Et pour discuter avec des gens qui ont des problèmes de trouver un travail, quel que soit, trouver administrativement, qu'il y ait des gens qui ont envie de vraiment être accompagnés dans les préfectures où l'AMI ouvre un compte en banque. Et il y a beaucoup de gens qui galèrent ça tous les jours. Et comment vraiment, c'est pour ça qu'on a calé 7 jours, qui est ça, pour qu'on puisse travailler toute la journée. Il y a beaucoup de bénévoles. Au début, c'était compliqué, mais là, en ce moment, on commence à avoir beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider à prendre cette relais. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités qui sortent. Et après ça, et on fait des accompagnements parce qu'il y a beaucoup de paysans qui nous rappellent parce que tous les passages qu'on a fait, territoire, qu'on allait rencontrer les paysans, ça a créé un lien fort que paysans qui, vraiment, qui ont en difficulté parce que voilà, il y a beaucoup qui ont voilà, en retraite et il y a beaucoup qui ont de le faire mais qui ont du mal à faire tout ce travail seul. Et à la fois, il y a des questions qui se posent que c'est très difficile pour sortir un salaire pour payer quelqu'un. Et ça aussi, c'est une question qui sort à chaque fois. Comment on peut essayer de voir pour qu'on puisse vraiment participer, c'est aider à vraiment trouver quelque chose qui ne va pas juste tomber sur le paysan pour qu'on puisse nous aider, des gens qui veulent travailler là-bas et l'association et le paysan pour que voilà, ça puisse passer bien tous les deux côtés. Quoi. C'est très compliqué, mais on avance pas mal. Et après, on va arriver plus de détails avec les questions. Et parce que voilà, chaque fois que nous, on fait des discussions, et des gens, après la conférence, des gens posent des questions. Et voilà. Et je voulais un truc. On a un film qui est dans notre site internet. C'est le film qui a été créé dans notre premier voyage d'enquête, qui représente à la fois les parcours qui ont été faits et le travail qu'on a fait, et jusqu'à actuellement, qui donne encore. D'autres détails sur l'association et d'où viennent certaines idées et pourquoi on a créé cette association et qu'on est là. Quoi. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a envie de savoir un peu concrètement comment ça s'est créé et où vous en êtes au niveau du nom parce que vous êtes un peu partout en France, en fait. Ouais. Et puis, il y avait aussi cette grosse, grosse question parce que c'est une question qui nous concerne tous autour de la sauvegarde des terres agricoles et la difficulté d'installation paysanne. Vous parlez dans l'article là, de cette difficulté des logiques en silo, hein, où on défend pas, on est à côté les uns des autres sur des défenses très spécifiques, hein, des actions militantes paysannes avec la Confédération paysanne, et puis des luttes pour la régulation qui arrive pas à prendre corps forcément. Et il me semble que vous avez eu un beau cheminement avec la Confédération paysanne et avec une expérience de ferme en Bretagne. Si vous pouviez nous parler un petit peu de comment vous arrivez à tenir les choses un peu avec d'autres réalités qui peuvent être à un moment donné spécifiques, mais qui sont tellement liées, comme vous disiez tout à l'heure à la radio, sur le fait que la crise climatique, la question des terres dévastées, c'est de partout. Bonjour. Merci d'être là. Du coup, si on parle beaucoup plus par rapport à l'expérience sur le changement climatique, moi, je pense que c'est ça beaucoup plus la raison qui nous a poussé beaucoup plus, parce que tous les migrants qui étaient, je pense que 70% des migrants, je pense, ils étaient beaucoup plus dans le domaine agricole en Afrique. Et quand ils étaient arrivés ici, ils étaient obligés, il faut vivre. Et pour vivre, je pense qu'on doit bosser quelque part. Et du coup, ils étaient obligés de bosser quand même dans le bâtiment, la restauration. Mais du coup, l'agriculteur, il veut beaucoup plus bosser dans la terre, être en contact avec l'environnement. Et c'est ça où, je pense, il doit sentir beaucoup plus qu'il est en train de faire un bon travail. Donc, du coup, l'objectif beaucoup plus, c'est d'aller vers les campagnes. Et il y a quand même ce barrière de la langue beaucoup plus qui est quand même... La grande difficulté du coup, est aussi quand même la méconnaissance de l'environnement dans le rural. Donc du coup, les gens ont du mal à rentrer dans les campagnes. Donc l'objectif d'ACAD, beaucoup plus, c'est de mettre en lien beaucoup plus ces deux mondes et de faire aussi des partages d'expériences parce qu'ils sont aussi des agriculteurs et les paysans sont aussi des agriculteurs. Donc du coup, c'est de partager aussi leur parcours, leurs semences. Des agriculteurs qui étaient venus ici avec des semences dans leur sac, mais n'ont pas de terre quand pour venir les semer, tout ça. Donc, du coup, c'est une difficulté beaucoup plus réelle qu'on voit. Et la raison pour laquelle nous, on dit qu'il faut qu'on essaye de mettre en place des espaces pour que les gens puissent exprimer tout le savoir derrière l'agriculture et aussi le partage de ces semences. Les semences, je pense qu'on ne veut pas quand même... la donner quand même à un laboratoire, je pense qu'il doit faire quand même son brevet et le vendre comme elle veut. On veut le partager avec le paysan pour que les semences soient des semences paysannes, comme chez nous en Afrique. On doit le vivre. Les semences, on doit la vivre. L'agriculture, on doit la vivre. Pas la garder pour avoir de l'argent beaucoup plus. L'objectif, c'est de vivre le monde. Le partage des savoirs. Donc du coup, à travers ça, on a eu quand même des relations avec la Confédération paysanne qui nous a mis en contact avec des fermes. Du coup, c'est aussi quand même c'est à travers des rencontres beaucoup parce qu'on a rencontré la Conf beaucoup plus et du coup, nos visions étaient les mêmes beaucoup plus parce qu'ils étaient aussi quand même dans le monde beaucoup plus de l'écologie. Nous aussi, je pense, nous sommes quand même dans la même approche. Donc du coup, je pense qu'on a eu quand même les mêmes visions et ce qui a été beaucoup plus facile pour nous quand même d'échanger avec la Conf. Et je pense que ce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans des lancers dans toutes les régions. Par exemple, dans l'Aura, par exemple, je pense qu'on a eu même le service civique et la Conf nous a mis à notre disposition pour nous accompagner. Donc du coup, il y a beaucoup plus d'expérience qu'on est en train de le faire avec la Conf dans différentes régions quand même de la France qui dépend aussi quand même des objectifs beaucoup plus, qui sont beaucoup plus différents. Mais là-bas, je pense qu'on voulait beaucoup plus mettre en place une ferme d'expérimentation des semences. Oui, il faut que je parle un petit peu parce que pourquoi cette ferme en Bretagne est venue. Parce qu'on avait un cerf à l'agneau qui était donné, mais c'est un cerf qui était à l'intérieur, c'est en béton. Donc on ne peut pas beaucoup le cultiver, mais on a gardé pendant un an mais jusqu'à présent. Mais il y a un membre qui est là, qui a pris cette ferme, cette serre, qui a planté énormément de variétés de choses, que les légumes, des arbres fruitiers, et des cacahuètes, et des bissaps, et beaucoup de choses. Et là, et il a envie de vraiment changer. Et en même temps, les conventions qui étaient signées se finissent ce mois-là. Et donc, voilà, maintenant, il y a une ferme qui va être prendre en Questembert. Parce que cette ferme, on a eu comment ? Parce que avec des voyages d'enquête qu'on a fait là-bas, on a rencontré avec des gens dans les mairies et dans tous les territoires là-bas, des gens qui ont pu participer, venir. Ça nous permet vraiment à des gens qui disent « oui, on a les fermes ». Donc, il faut avoir accepté et voilà, du coup, ça sert à vous. Donc, même ce mois-là, on va passer là-bas pour voir. Mais est-ce que la personne, il va installer bientôt, je pense. Parce que voilà, du coup, c'est les moments qu'on attend depuis longtemps. Donc, cette opportunité, elle est arrivée très rapidement à passer notre nouvelle enquête qui était faite. Donc, voilà, du coup, qu'on a envie de prendre cette terre. Mais il y a une difficulté, il faut que je rajoute, parce que quand on arrive ici, dans ce pays, on arrive avec vraiment beaucoup d'expérience, comme mon collègue vient de dire, il y a beaucoup de gens qui étaient paysans. Mais on arrive ici, ce qui nous pousse, qu'on n'a pas envie d'être paysan ou d'aller dans le milieu agriculture, ça nous demande énormément de temps, d'efforts, parce qu'on dit, toi, tu ne connais pas dans le milieu agriculture. Moi, je ne suis pas allé à l'école pour apprendre. Je suis né dedans et j'ai grandi dedans et j'ai appris avec mes parents. Et c'est comme ça que nous, on apprend. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Quelqu'un nous explique comment on doit l'apprendre. Nous, on apprend comme ça, on grandit jusqu'à 60 ans. Et moi, j'arrive ici, me dit il faut aller à l'école pour qu'on t'explique comment ça se fait, à l'air des choses que je fais. Donc, j'apprends les moments que je le fais, j'apprends certaines choses avec ça. Et donc, peut-être les climats, ce n'est pas pareil. Les pays, ce n'est pas pareil. Oui, mais ce n'est pas que voilà, du coup, que les climats, les choses qui ne sont pas pareilles, que je vais aller à l'école apprendre ça. Avec des paysans qu'on va travailler ensemble. Moi, j'ai des savoir-faire et l'autre, il a des savoir-faire. Et comment on fait ? On partage des savoir-faire. Toi, tu cultives cette manière, ça. Et moi, j'ai fait cette manière. Comment on peut rendre les deux manières à faire que voilà, du coup, on puisse mettre ensemble, on collabore ensemble. Mais cette savoir-faire, on a du mal à partager avec des gens. Parce que si tu me considérais que je ne connais rien, et ce que je sais, je garderai sur moi. Parce que j'aimerais partager ma savoir-faire et ce que je sais faire avec quelqu'un qui connaît ma valeur, qui me donne la valeur, qui me respecte en tant que je suis un être humain. Et là, oui, on peut vraiment partager tout ce qu'on a fait pour qu'on puisse travailler ensemble. Même s'il n'y en a pas ça et il n'y a pas ça. Et il y a l'État qui est aussi à côté, qui fait que voilà, du coup, passez par en formation, hein, et même si vous passez en formation, il faut avoir un BPRA pour que tu aies en agriculture. Et tout ça, toutes ces barrières, ça empêche vraiment des gens d'aller faire quoi ? D'aller travailler dans les bâtiments BTP et restauration, même restauration, c'est les prolonges, donc, et nettoyage. Des ans, ils vont passer tout, c'est ça. Et à la fin, ils n'ont rien appris. Tous les extrêmes qu'ils ont appris par avant, ils sont arrivés ici, tout est disparu. Donc, ils vont retourner au pays. Beaucoup de membres du pays qui ont retourné, qui ont retraite ici, ni l'argent, ni la santé, sont retournés moins vide. Donc, ils retrouvent dans un... C'est comme s'ils retournaient vraiment un cercueil, quoi. Tu n'as rien à gagner. Donc, tu te retrouves là-bas. Donc, des générations qui viennent, qui disent, OK, nous, on réfléchit à notre manière. On n'a pas envie de passer dans cette manière qu'ils sont faits. Donc, on a vu nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ou nos certains parents qui ont arrivé avec rien. Et nous, on a pris beaucoup de temps à soin d'un pour qu'ils puissent être quelqu'un. Donc voilà, et nous, on va réfléchir à autre manière pour trouver d'autres solutions. On sait qu'on est en face d'un État qui est très, très compliqué. Mais comment on peut mettre nos stratégies qui, voilà, on puisse vraiment travailler tous ensemble et essayer de vraiment rassembler toutes les luttes qui se passent, qui intriguent en commun. On met tous ensemble, on essaie de voir comment on peut faire pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est très difficile, mais ça avance. Il y a des idées. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait qu'en France, on se rend compte que l'agriculture bascule complètement, on a de moins en moins de paysans et puis de fermes qui s'arrêtent et qui ne sont pas reprises, est-ce que vous pensez que ce climat permet effectivement des ouvertures par rapport à, comme tu viens de dire, hein, tout ce que vous apportez sur une vraie expertise de savoir travailler la terre? Autrement, et c'est nécessaire aujourd'hui, puisque le réchauffement climatique agit, et je pense qu'il y a des pratiques qui sont à développer en France aussi. Est-ce que vous sentez que ça peut devenir une opportunité, le fait qu'en France, on ait vraiment cette difficulté, hein. On sent qu'il faut... On dit, hein, les plus grands experts disent que si on veut changer le système alimentaire, alors on n'en est pas là, hein, si on veut changer le système alimentaire, il faut au moins 1 million de paysans qui s'installent. Donc voilà, comment vous sentez un peu la situation globale de cette France avec une terre qui est de moins en moins cultivée et en respectant le vivant? Moi, je pense qu'il faut d'abord faire d'abord de la sensibilisation beaucoup plus à la jeunesse, parce qu'il y a des fermes aujourd'hui qui partent en retraite et il n'y a pas de jeunes qui veulent les reprendre beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les jeunes, je pense, ils se tournent beaucoup plus vers l'IA et tout ça, l'informatique, et du coup, je pense que personne ne veut aller beaucoup plus dans l'agriculture. Et là, je pense que c'est vraiment c'est le plus grand problème beaucoup plus, ça c'est un. Et les paysans, je pense, ont du mal beaucoup plus aussi quand même, à gérer aussi quand même, à les faire beaucoup plus. Et du coup, ils ne sont pas audibles beaucoup plus. L'année dernière, par exemple, il y a eu quand même des manifestations quand même des agriculteurs partout en France. Et moi, je pense que ce qui m'a choqué beaucoup plus, je pense qu'on les a laissés seuls. Je pense qu'on parle de l'agriculture, je pense que chaque personne doit manger à travers l'agriculture. Donc ça veut dire qu'on parle des agriculteurs, je pense que c'est tout le monde qui doit être bien concerné. Et là, je donne un exemple beaucoup, c'est parce qu'en Inde, il y a eu aussi quand même un grand mouvement des agriculteurs. Ce sont les enfants. Dans tous les domaines, les gens ont tout bloqué le pays. Et du coup, le gouvernement a été obligé de réguler. Alors que les paysans ici en France sont laissés à leur sort. Deux députés, ils viennent juste pour les embrouiller. Après, du coup, ils votent des lois. Et après, je pense que c'est la même chose. Le vrai problème du paysan n'a pas été résolu. Alors nous, je pense, on n'a pas aussi quand même de voix comme ces paysans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est décrire. C'est le militantisme. Qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que nous, par exemple, des migrants sans papier, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces paysans? Moi, je pense que ces personnes qui nous appuient aujourd'hui, c'est les paysans, ils nous ont ouvert la porte. Nous aussi, on doit aussi le peu qu'on peut, je pense, d'apporter aussi pour qu'il y ait quand même un grand changement. Et la lutte quand même de ces paysans, il faut que toute personne qui est consciente doit aussi les aider beaucoup plus. Les aider, moi, je pense, c'est pas absolument aller quand même faire des manifestations avec eux. D'influencer à sa manière. Vraiment, ces gens, ils vivent. Il y a des paysans qui vivent sous le RSA. Personne n'a... Là, je pense que personne n'a parlé. Mais nous, je pense qu'on parle beaucoup plus. En contact de ces hommes, je pense qu'on parle à cœur ouvert beaucoup plus. Moi, je pense, je viens vers lui avec toutes mes difficultés. Lui aussi, il me dit toutes ses difficultés. Mais personne ne nous écoute. Alors, il faut qu'on soit ensemble pour lutter et apporter un changement. Et L'exemple de ces livres, beaucoup plus, moi je pense, il y a des anthropologues, des écrivains, et nous les militants, beaucoup plus, des sans-papiers, parce que nous, je sais pas, on n'a pas eu l'opportunité quand même d'avoir un espace pour, quand même pour dire ce qu'on pense, tout ça. Et là, je pense, sur ces livres, je pense qu'on a eu l'opportunité d'exprimer ce qu'on ressent beaucoup plus et ce qu'on pense de ces pays. Et je pense qu'en tant que humains, je pense là où nous sommes, je pense qu'on doit apporter le paix que nous sommes. La dignité d'un être humain, c'est aussi d'apporter aussi le paix dans la société où on vit beaucoup plus. Alors nous aussi, nous aimerons aussi apporter quand même ce changement. Et le changement, je pense, dans cette lutte, on parle de la décolonisation, on parle de l'écologie, du féminisme. C'est des luttes, je pense, qui se mènent ici en France par des groupes un peu différents. Alors je pense que nous voulons beaucoup plus réunir tous ces luttes ensemble et mener et avoir quand même des bons résultats dans un proche avenir. Voilà, un peu ça, c'est qu'on essaie de réfléchir par rapport à ce qu'on a. C'est pas trop une question, parce que les solutions, c'est vous qui venez de nous en donner, là. L'échange de savoir-faire, tout ça, c'est très important. Mais par rapport au problème qu'on a, nous, d'arrêter la mort de l'agriculture en France, parce que par la transmission familiale, on ne va pas y arriver. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Hein. Vous en avez parlé, d'ailleurs, vous avez vu hein, les difficultés dans lesquelles sont les paysans pour transmettre leur patrimoine et leur savoir, d'ailleurs. Par contre, je pense que ce qu'on devrait faire, nous, mais il n'y a pas que moi qui le pense, c'est, il va y avoir des élections municipales bientôt. C'est, on est nombreux là, c'est de mettre la pression pour en faire un enjeu des élections municipales de cette question. Pourquoi ? Parce que les communes maîtrisent les sols, le foncier. Donc elles peuvent décider de l'affectation d'un terrain, agriculture ou autre chose. Elles peuvent dire on fera de l'agriculture. Deuxièmement, elle maîtrise tout la question de la restauration collective dans les écoles, dans les maisons de retraite, pour le portage des repas à domicile, pour les personnes isolées, âgées. Donc le sol, le débouché, et en plus, elles peuvent créer... Alors il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, c'est plutôt des petites communes en général, créer des régies municipales qui embauchent des gens comme vous, par exemple, qui savaient faire hein, pour relancer une friche agricole qui est morte, pour la faire redémarrer, et pour former des gens. Donc ça peut être une solution qui peut marcher assez rapidement, mais par contre, il faut absolument qu'on mette tous la pression sur les gens qui sont en train de constituer des listes pour les élections municipales, pour qu'ils comprennent que cet enjeu est primordial. Merci beaucoup. Ouais, c'est pour ça que voilà, du coup, beaucoup de gens qui ont participé pour donner toutes les idées qu'ils ont pour mettre ce livre. Ce livre, ce n'est pas destiné juste à nous, mais c'est destiné dans le monde entier pour qu'ils voient, en France aussi, parce que les pays qu'on vit, et pour que des gens voient tout ce qui se passe. Et il y a des certaines choses qui se passent qu'on ne le voit pas. Il y a des choses qu'on le voit. Mais comment on peut rendre tous invisibles pour que tout le monde puisse se rendre compte ? Il y a un moment, il faut qu'on réagisse pour que voilà, on puisse combattre. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser et traîner. Ou on ne peut pas dire que voilà, du coup, on ne peut pas le faire. Mais plus on est nombreux, plus ça nous donne davantage, plus qu'on puisse aller plus loin et rapprocher ce qu'on a envie de découvrir pour que ça nous donne des opportunités ou des solutions à toutes nos luttes qu'on est en train de faire et pour être plus proche de notre combat. Quoi. Merci pour votre témoignage, c'est très intéressant. Vous disiez que vous étiez soutenu par la Confédération Paysanne. Il me semblait que vous disiez que c'était un allié, enfin, des gens qui vous avaient aidé. Je ne sais pas combien de temps à l'association, depuis combien de temps vous existez. On est 2022 jusqu'à présent. On a commencé en 2021, mais l'asso était connu en 2022, okay. Février 2022 jusqu'à présent. au début, on a du mal vraiment à créer un lien avec la Confédération paysanne. C'était très, très dur, très compliqué. Mais voilà, plus on rencontre, on discute, plus ça donne du temps et ça avance. Et jusqu'à présent, voilà, et même là, il n'y a pas longtemps, on a créé un partenariat pour créer un emploi-service et qui va mettre lien entre Confédération paysanne et Association 4 et qui va installer un Grenoble voilà, qui va faire de tout l'entour pour faire des voyages, pour rencontrer des paysans, pour que voilà, du coup, rapporter, voilà, pour qu'on puisse encore plus être proches, pour créer ces liens autour des entre A4 et Confédération paysanne, quoi. Et pourquoi vous disiez que c'était difficile? Bah, au début, parce que on est arrivés tous, beaucoup d'entre nous, on est des demandeurs d'asile français, on n'a pas le papier. Papier français plutôt, parce qu'on essaie d'éviter de ne pas dire qu'on n'a pas le papier, parce que tout le monde a le papier. D'une façon ou d'une autre, on est né quelque part avant d'arriver ici, quoi. Voilà. Et ils ont du mal à vraiment avoir très, très confiance en nous, pour que, voilà, du coup, qu'on puisse vraiment être en partenariat ou travailler ensemble. Donc, c'est ça qu'on a méditant. Et pas tous, mais il y a certains ont compris les idées de vos débits. Mais comme tout le monde n'est pas d'accord, et voilà, et ça a mis complication, ça a mis de temps avant des gens à réagir et réfléchir autrement et voir comment on peut essayer de trouver une solution pour créer ces liens, pour qu'on puisse travailler ensemble. Ok. Et donc, du coup, la fin de la question, c'était, pour l'instant, c'est le seul syndicat avec lequel vous travaillez ou vous travaillez avec les autres syndicats d'agriculteurs qui sont moins... avec des idées qui ont encore plus peur, justement, des personnes étrangères, de la question... On sait qu'il y a des syndicats en France qui sont beaucoup plus enclins à, voilà, à avoir des idées proches de la question du racisme. Voilà. Est-ce que vous allez aller plus loin et aller à un moment rencontrer les autres syndicats qui ne sont pas forcément d'accord? Pour le moment, c'est toujours le cas. Les racismes, ça parle partout. Parce que c'est quelque chose qu'il y a des gens qui ont bâti devant nous. Et nous, on arrivons, on le vécu tous les jours. Quel que soit marcher dans la rue, quel que soit tout ce qu'on passe, il y a 12 ans, il y a des choses qu'on entend. Mais on ne peut pas vraiment écouter tout ce qui passe dans notre oreille parce qu'il y a au bout d'un moment, on arrive à nouveau, on ne peut plus. Donc, les seules choses qu'on est, ok, j'avance par avant et il ne faut pas que j'écoute tout parce que j'ai envie de que vraiment combattre toutes ces choses qu'on entend tous les jours. Et comment, parce que nous, on a des idées, on a envie de partager avec d'autres personnes. Mais il y a certains qui ne prennent pas en compte et qui voilà, sait que nous, on est en train de vivre les pays qu'on est. Mais on essaie quand même vraiment de partager toutes ces idées, même s'ils ne veulent pas. Mais quand même, on est là, on montre que vraiment, on est être humain avant tout. Je suis un être humain, tout simplement. Le reste, c'est vraiment les choses donc, qu'on peut le dire entre nous. Mais les humanités, il faut qu'on mette ça toujours en humanité, en avance. Le reste, ça le suit. Donc, c'est tellement difficile de mettre cette humanité en avant avec certaines personnes. Mais malgré ça, nous, ça ne décourage pas pour que de nous mettre cette humanité. Pour que, voilà, du coup, plus tard, peut-être, ça va donner le changement. Même si ça prend du temps, on va le faire, quoi. Oui, surtout, vous apportez des solutions à ces personnes de transmission. Enfin, je veux dire, à un moment, même dans ces syndicats-là, ouais, qui sont beaucoup plus sectaires, beaucoup plus fermés, ils ont les mêmes préoccupations de transmission aussi. Donc, à un moment, vous apportez des solutions possibles. Ouais. Les CADA question. Vous parlez des CADA? En l'occurrence, il y a syndicat qui s'appelle la FNSEA, qui est quand même par exemple. Mais voilà, est-ce que l'optique de l'association, c'est aussi d'aller discuter avec eux? Bon, moi, je pense d'abord, il faut d'abord parler d'abord des valeurs, parce que quand on fait quand même des partenariats, il faut d'abord voir d'abord quelles sont les valeurs du partenaire. Du coup, je pense la conf, je pense qu'on a essayé de voir avant d'y aller, je pense, on a vu d'abord quelles sont vraiment ces valeurs la conf. Et c'est la raison pour laquelle je pense, nous sommes allés vers la conf, parce que nos valeurs et leurs valeurs, je pense, sont les mêmes valeurs. Du coup, c'est facile quand même de bosser avec eux que de voir avec des gens qui n'ont pas aussi quand même les mêmes valeurs que nous. Donc du coup, c'était facile avec nous, quand même, avec la conf, d'échanger et aussi quand même de faire aussi des partages beaucoup plus. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant avec la conf. Maintenant, vous avez parlé aussi des autres syndicats. Les autres syndicats, je pense, c'est pas seulement d'aller directement vers eux. Peut-être ici, ICP qui peut avoir aussi quand même des échanges autour d'une table beaucoup plus. Et là, je pense que nous aussi, on va essayer de mettre nos valeurs beaucoup plus sur la table pour dire que nous, c'est ça nos valeurs et c'est ça nos limites. Alors, si vous voulez qu'on bosse ensemble, c'est sans nos valeurs et sans nos limites. Est-ce que vous êtes prêts quand même à faire quand même le pas? Et je suis sûr que je pense qu'ils ne vont pas faire le pas. Quoi. Là, je pense parce que c'est de l'industrie qu'on est en train de parler. Et là, je pense, on parle aussi quand même de l'écologie. Et du coup, je pense qu'on parle de l'écologie, si la personne accepte à apporter sa contribution à l'écologie, je pense qu'on va aller ensemble avec lui. Mais si elle n'est pas pour, donc, du coup, je pense que voilà un peu ça. Merci. Bonjour Marianne, je me permets de témoigner. Je trouve que c'est important les mobilisations institutionnelles comme aller vers la Confédération paysanne, pouvoir aussi soutenir ces enjeux-là auprès des futures municipales. Mais ce que je trouve aussi important, c'est notre mobilisation à tous, notre mobilisation individuelle. Moi, je me suis... Il se trouve que j'ai rencontré l'association ACAT lors d'un festival en 2024, le festival de la manufacture des idées au sud de Mâcon. Vous étiez présent et vous avez expliqué votre démarche. Et de là, j'ai pris contact avec vous. Et moi, en tant que personne, j'ai décidé de me mobiliser pour l'association ACAT. Et c'est là que j'ai découvert une myriade de personnes avec une myriade de savoir-faire à partager. Et aussi une possibilité de pouvoir échanger sur ce que c'est le racisme, sur ce que c'est le sexisme, de pouvoir me former aussi avec des personnes qui le subissent. Ça, c'est important à dire aussi. Moi, je me considère blanche bourgeoise et jusqu'à maintenant, je considère que j'ai subi moins de choses que la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer à l'association ACAT, qui aujourd'hui me forment. Et c'est pas le contraire. Voilà. Donc je remercie Saïd, je remercie Sambala qui sont présents. Et il se trouve qu'à travers ces contacts, j'ai pu contacter Saïd, qui actuellement est à Lyon. Et nous avons, co-créé une antenne à Lyon, qui existe depuis janvier, qui est très proche de l'antenne de Grenoble. Je me permets de parler de ces deux antennes, puisqu'on est en... On est en Auvergne-en-Alpes, donc vous n'êtes pas très loin pour la plupart d'entre vous. Et à travers toute cette mise en place, il y a des choses qui se mettent en place. Et quand ça se met en place, c'est effectivement grâce à de la communication comme une projection d'un documentaire dans les cinémas associatifs, mais aussi dans les fermes. Et à travers aussi des paysans qui se mobilisent, des artisans qui se mobilisent pour nous accueillir, de la prise de contact au stage et éventuellement à l'embauche. Donc n'hésitez pas, ACAT est là pendant ou après l'intervention. Merci. Merci. Je me permets de prendre la parole pour d'abord vous remercier de nous faire le témoignage de votre expérience. C'est en effet une expérience assez singulière que des jeunes migrants se prennent en charge pour former une association. Alors que d'habitude, c'est le contraire. Ces mêmes migrants, dans le meilleur des cas, sont pris en charge par les bénévoles locaux ou des associations de type RSF, etc. Donc c'est sûrement un exemple qui peut faire tache d'huile et s'installer en France. En ce qui concerne votre constat, qui était intéressant, il disait que vous partez d'un milieu agricole et que vous êtes dans l'obligation... en France, et je pense en Europe c'est pareil, de vous tourner vers des métiers du bâtiment alors que votre expérience d'origine serait plutôt agricole. En France, tous les gens qui veulent rentrer dans l'agriculture se heurtent à deux problèmes. Un problème administratif, il faut faire une formation de type BTS pour s'installer, et un autre problème encore plus important qui est un problème financier, car il est impossible de s'installer chef d'entreprise agricole sans bénéficier d'une hérédité financière de ses parents agriculteurs, car les sommes à investir pour s'installer dans une ferme sont tellement importantes que les gens qui ne sont pas du monde agricole n'y arrivent pas. Ou simplement petits exemples, mais c'est très très difficile. Un autre point que vous avez souligné et qui revient dans les discussions, c'est la Confédération paysanne. Comme vous le savez, il y a trois grands syndicats agricoles en France, la FNSEA, la Coordination rurale et la Confédération paysanne. Les deux premiers cités, évidemment, sont pour une agriculture productiviste sans contrainte. Les grandes manifestations que vous citiez agricoles étaient notamment pour supprimer toutes ces contraintes qui les empêchent de polluer pour avoir plus de rendement. Et puis la Confédération paysanne qui a une autre vision de l'agriculture, avec notamment des fermes plus petites, plus à la portée, et pour certaines portées vers l'agroécologie. Et donc peut-être une piste, mais ça vous avez dû le remarquer, d'emploi dans l'agriculture serait dans l'agroécologie, encore que les subventions allouées ont diminué notamment. Et c'est aussi un problème en France européen, car on bénéficie ou pas de subventions européennes. L'avenir de l'agriculture en France n'est pas dans ces grandes fermes qui polluent et empoisonnent la population avec des pesticides, mais plutôt vers de petites structures respectueuses de l'environnement. Merci. Oui, du coup, je voulais nuancer un petit peu la dernière prise de parole, puisque les syndicats qui ont été cités sont des syndicats du coup de personnes propriétaires de fonciers, et en fait, notamment pour les personnes qui sont salariées et ouvriers agricoles, notamment pour des personnes qui sont privées de papier, la plupart sont du coup ouvriers, donc sont plutôt représentés par des syndicats comme peuvent être la CGT. Par exemple, à Saint-Étienne, il y a une section de la CNT qui s'est montée pour les travailleurs et travailleuses agricoles. Et du coup, je vais essayer de faire une question. Du coup, c'est un peu la question sur la colonisation et un peu sur les rapports de classe aussi qui peuvent exister dans les champs. Savoir comment vous positionnez pour des travailleurs et travailleuses agricoles qui, du coup, sont exploités sur des exploitations par des propriétaires et, du coup, qui sont qui ont les savoirs, mais en fait sont exploités, on leur donne des tâches et non, ils sont maîtres de leurs moyens et de pouvoir ensuite pérenniser cette agriculture. Merci. Je pense que dans cette approche, en Bretagne, je pense qu'on a eu quand même des informations par rapport à l'exploitation, beaucoup plus dans des grandes fermes industrielles, tout ça. L'objectif, c'est de mener des enquêtes, d'aller vers ces personnes. Est-ce que réellement il y a eu des abus, tout ça, parce qu'il faut toujours avoir des preuves, tout ça. Donc, du coup, nous sommes allés beaucoup plus vers ces personnes pour avoir des informations. Et la plupart de ces personnes ont peur parce qu'elles ont peur de perdre leur boulot. Il y a eu quand même ces menaces. Là, c'est un. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu des accords avec des pays beaucoup plus du Maghreb ou bien d'Europe de l'Est. On fait venir des gens. Je pense qu'on les casse dans les fermes. Ils n'ont même pas droit d'être en contact avec des gens d'extérieur. Et du coup, ils bossent presque 18 heures par jour, ou même 20 heures par jour. Ils n'ont pas de temps de repos, tout ça. Et du coup, on a essayé de réfléchir quelles sont les actions qu'il faut mettre en place beaucoup plus. Et nous, avec la conf, je pense que c'est l'insertion quand même dans l'agriculture. Maintenant, dans cette approche, moi, je pense que ça, c'est un autre monde. Qu'est-ce qu'il faut aller faire? Il y a aussi des associations qui sont bien spécifique dans ce domaine, tout ça. Donc, du coup, on part avec des assos beaucoup plus qui nous accompagnent à mener des actions beaucoup plus pour aller récupérer ces gens et aussi de les accompagner quand même pour rentrer dans leurs droits. Il y a des gens, par exemple, on les paye 2 euros l'heure dans des fermes. Ils mangent à l'intérieur et du coup, toutes les conditions ne sont pas vraiment respectées, tout ça. Et du coup, dans cette approche, on encourage les gens à venir vers nous, même s'ils ne veulent pas beaucoup plus. Juste nous appeler et avoir des informations. Maintenant, c'est à nous maintenant d'aller à faire ce boulot beaucoup plus. Mais du coup, on a du mal beaucoup plus à avoir ces informations parce que les gens ont peur de perdre leur boulot parce qu'ils doivent vivre. Ouais. Je veux juste rajouter ce que Saïd vient de dire. Parce que cette enquête qui a été faite là-bas, parce qu'on on s'est informé à nous-mêmes pour. Parce qu'on était avec des gens, un formateur qui nous forme vraiment à prendre du son et comment on enregistre et tout. Et parce qu'on a envie de vraiment apporter à nous-mêmes pour qu'on puisse faire ça. On a formé parce qu'on a envie à la fin faire un podcast. Donc le podcast qui va sortir bientôt, peut-être décembre même, qui va sortir bientôt, mais qui va être dans notre site internet. Mais il n'est pas encore sorti. On a fait un premier qui a été fait vraiment, comme je ne peux pas répéter tous, parce que pourquoi ce constat est arrivé? Il y a beaucoup de membres qui étaient dans l'association même qui ont exploité et qui voient d'autres qui exploitent dans le même domaine et qui disent que ce n'est pas possible. Donc, parce que ce qu'il a subi, d'autres vont subir plus qu'eux-mêmes. Il faut qu'on fasse enquête, mais c'était compliqué. Et je crois que c'est France 3 qui était allé en Bretagne, qui a fait enquête là-bas et qui a fait bousser MSA pour qu'ils disent que ce n'est pas possible. Comment ça, des gens qui travaillent comme ça et qui, voilà, qui travaille, qui part en premier en travail, qui vient en dernier, et qui est mal payé, qui est tellement maltraité, et qui n'ont pas un fiche de paye, parce que c'est un fiche de paye qui te permet vraiment d'être régularisé en pays. Mais quand tu n'as pas de fiche de paye, tu n'as rien, tu n'as aucune preuve qui montre que, voilà, du coup, si l'ombre des années que vous êtes là, vous pouvez être régularisé. Donc, il y a certains qui ont été interviewés, à ces moments-là dans l'Ausson. Et le journaliste, il a inversé certains mots qui n'ont pas appelé la personne. Même quand on est allé vers des gens, ils se sont dit, moi, j'ai pas envie, parce que la dernière fois, on a entendu telle personne est virée. Parce que le journaliste, ce qu'ils ont dévelé, la personne ne voulait pas sortir son visage, la personne ne voulait pas sortir. Et les mots qui ont sorti, et ça l'a créé un problème, et la personne, il a fichu, il n'arrive plus à trouver un travail. Et à la fois aussi, quand on est là, on n'est pas là juste nous, on est là. Nous et la famille. Parce que on sait que, voilà, du coup, c'est ce qu'on a laissé derrière. Donc on travaille pour nous, on travaille pour nos familles aussi. Donc c'est pour ça que, voilà, du coup, beaucoup de travail qui sort, il y a certains, ils ne réfléchissent pas. Parce que j'ai vécu 5 ans sans travailler. Et j'ai des fois beaucoup dans la rue. Donc je trouve un travail, et certains, ils ne réfléchissent pas trop, ils vont aller le faire. Alors qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils sont obligés de travailler, de toute façon. Sinon, ça va être compliqué. Des fois, surtout l'hiver qui arrive, il fait très très froid. Tu n'as rien et tu n'as pas des abris. Comment vous le faites? Donc, tu es obligé de faire un boulot qui détruit ta santé et à la fin, tu n'as rien à gagner. Parce qu'il y a un truc qui a été fait en Bretagne, c'était, comment ça s'appelle? C'est des ramasses de volailles. Il y a des gens qui travaillent vraiment. Ils vont aller chercher des gens à Paris même. Dans Porte-la-Villette, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Il y a quelqu'un qui vient avec un camion, il dit, j'ai un travail pour vous. C'est un bon travail, bien payé, et sans donner vraiment d'explication. Parce que quelqu'un qui a faim, tout le nourriture que vous ramenez pour la personne, ou toutes les options qui aident à la personne de trouver la nourriture, il va dire, pourquoi pas, j'ai rien à gagner, il faut que je tente. Parce que rester là, ça fait qu'empirer les choses. Donc, il a pu le point plus mal, le point vraiment qui sait qu'on peut obtenir à cette personne. Il l'obtient, il le ramène là-bas. La personne, dès qu'il arrive là-bas, qui vont être vraiment les serveurs de la maison, qui vont nettoyer de la maison aussi, en fait, tout ce qui se passe à la maison, il y a la personne qui doit le faire. Et il est exploité là-bas. Des fois, il y a certains qui tombent malades. Bah, si tu tombes malade, il faut aller se soigner parce que nous, on n'a pas de médicaments ici pour vous soigner. La personne y part, il y a d'autres qui arrivent. Ces informations sont du mal à circuler les autres personnes qui vont aller travailler. Donc nous, on essaie de vraiment faire circuler cette information. On sait, nous tous, on est passé cette même route. On a besoin d'un travail, mais on a besoin de notre santé aussi, qui nous accompagne au cours de notre vie. Donc c'est très important que, voilà, du coup, on puisse vraiment maximiser, circuler toutes les informations qui aident à la zone, qui puissent vraiment avoir un emploi stable, un emploi qui lui permet vraiment vivre et créer un lien avec d'autres, vraiment pas vraiment être, faire quelque chose qui est plus tard qui va tourner contre sa santé, quoi. Mais c'est très dur. Mais voilà, et les choses s'avancent. Et voilà, j'espère qu'il y a notre podcast qui va être publié bientôt. Mais on continue vraiment à faire d'autres parce qu'on avait dit, on a commencé. Bah, il faut aller jusqu'au bout. Donc, on va essayer de voir toutes les zones qui est vraiment, il y a des exploitations. On va essayer de voir un maximum pour essayer de voir comment on peut discuter avec des gens et ceux qui sont acceptés d'être publiés, on le publie. Ceux qui n'ont pas accepté d'être publiés, on ne les publie pas. Donc, on respecte vraiment tout ce qui sort, toutes les discussions qui sortent. Donc, pour que des gens puissent vraiment garder leur emploi, il y a certains, voilà, et c'est le maximum. Il ne faut pas créer encore. Essayer de trouver une solution et essayer de ne pas créer un problème dans cette solution. Donc, ça ne fait pas avancer les choses. Donc, on essaie de vraiment réfléchir, vraiment qu'on essaie de porter une solution pour des gens, aller à la fois aussi, on essaie de créer un conflit ou faire difficulté encore plus dans leur vie. On essaie de vraiment réfléchir à tout ça, quoi. Merci. Juste, ça me fait penser ce que vous dites, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait des municipales, mais il y a des possibilités, par exemple, sur les municipalités, de faire des accords de coopération qui permettent de faire que des gens puissent venir ici et travailler dignement, correctement, et pas d'être dans des situations de quasi-esclavagisme, comme c'est parfois et trop souvent le cas. Moi, je voulais vous, tout à l'heure, vous avez parlé de gens qui venaient avec des semences originaires de leur pays. Et je voulais vous interroger là-dessus, parce que c'est très important, là, avec les questions du changement climatique, du dérèglement climatique. On a besoin de développer ce qu'on appelle les semences paysannes, c'est-à-dire des semences qui ne sont pas des semences hybrides F1, mais qui sont en capacité de s'adapter au territoire et au dérèglement climatique. Ici, à Saint-Étienne, on a trouvé des trésors, par exemple, dans les jardins ouvriers, parce que les gens qui sont dans les jardins ouvriers, ils viennent du monde entier, et ils cultivent des semences qui viennent du monde entier. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez engagé un travail là-dessus, ou pas ? Et est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez des liens avec le réseau Semences Paysannes qui existe en France ? Merci. Et nous, on a des membres des associations qui ont fait cette expérience parce qu'ils sont déjà faits au pays et viennent développer ici. On a fait l'année dernière en région Île-de-France, et ça a beaucoup marché, mais c'est un terrain très petit, des sarigots, des différentes variétés de mille, comme on dit, des bissap qui fonctionnent en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, parce qu'on avait dit les climats qui changent, les temps qui changent. Tout ce qui fonctionne en Afrique peut-être peut fonctionner ici. Mais comment on peut savoir ça ? Il faut le commencer. Donc voilà. Donc il faut visibiliser et comprendre à quel temps, à quelle saison. Parce qu'en Afrique, on fonctionne saison par saison. Donc si on a ramené ici, à quel moment on peut planter ces sortes, ça puisse marcher. Exemple, Idrissa qui a planté des cacahuètes à l'agneau. Au début, personne ne s'attendait que ça va marcher. Et ça a très, très bien marché. Moi-même, j'étais en témoin et j'ai pris ma main, j'ai goûté et je sais que voilà, du coup, il n'y a pas beaucoup de différence ce qu'on a vécu en Afrique. Donc, ce jour, il faut choisir les temps, à quel moment et à quelle période, et tester tous les outils, toutes les idées qui arrivent, essayer de tester. Et ça marche superment. Mais donc, voilà, peut-être ça va faire du temps à certaines choses avant de trouver des solutions pour que ça puisse fonctionner. Parce que vous allez dans notre continent, à notre climat, et ça met des changements. Mais ça marche. Et là, on a obtenu un terrain qui a raison Île-de-France. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment calé dans cette activité. Et comme ils ont fait l'année dernière, ça marchait. Et cette année, ils ont pris un terrain plus grand. Donc, ils ont fait 6 mois de formation encore d'abord. Parce qu'ils ont dit, OK, déjà, on a des choses, mais on a envie de faire un petit peu en formation pour encore aller plus loin. Donc, ils ont fait 6 mois de formation et la personne qui a fait, il est parti au Mali. Pour le moment, il est au Mali, donc il est en train de vraiment réfléchir encore là-bas pour ramener toutes les graines qu'il a envie de planter ici, pour le fait ici. Donc, on fait un sentier, même les 30, ces mois-là, on va faire un sentier pour encore travailler sur le sol. Donc, voilà. Et les choses qu'on fait, peut-être ça aide à apporter quelque chose. Je pense aussi à l'agneau. Moi, je pense que j'avais beaucoup plus apporté aussi ma contribution beaucoup plus sur les arbres fruitiers, par exemple, les avocatiers, les citronniers, dont j'étais avec Driss, on a essayé de développer ça là-bas. Et quand j'étais arrivé ici à Lyon, je pense qu'on voulait aussi faire ça. Et du coup, on a du mal à avoir un espace pour faire des expérimentations, tout ça. Et l'une de nos bénévoles, je pense, avec du jardin, dans là où je pense à bon été. Et du coup, c'était en été dernier, je pense, on a essayé de faire les tests beaucoup plus du gombo et aussi du pastèque. Donc, du coup, le pastèque, parce que là, on n'a pas eu le temps quand même de faire des entretiens parce qu'en été, on a eu quand même beaucoup plus de mouvements au sein d'Aka. Donc, du coup, on a beaucoup plus voyagé. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de fixer ici tout ça. Mais du coup, Le gombo, je pense qu'on a fait ici à Lyon. Et là, je pense qu'elle a l'auteur à peu près de 70 cm, mais il n'y a pas de fleurs. Donc, du coup, c'était aussi le climat qui a impacté tout ça. Et là, dans un tiers-lieu ici à Lyon aussi, à Villeurbanne, le tiers-lieu, c'est le local. Donc, du coup, là aussi, la semaine dernière, je pense qu'on est, nous sommes allés là-bas pour voir quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place et refaire encore les mêmes semences et voir est-ce que vraiment il y aura quand même des impacts, tout ça. Et là, je pense qu'on se prépare d'ici début décembre quand pour essayer de mettre en place les tests aussi. Et du coup, on veut aussi diversifier beaucoup plus aussi les semences, beaucoup plus, pas seulement le 2, mais je pense qu'on a à peu près 5 ou 6 semences qu'on veut essayer de mettre en place avec l'équipe. Parce qu'il y a aussi des associations serres qui sont là et qui sont aussi beaucoup plus intéressées pour cette approche. Et du coup, je pense qu'on va faire ensemble avec eux. Et l'objectif au sein de Dakar, je pense, c'est pas seulement de faire à Lyon, mais sur toutes les antennes et voir dans quelle région je pense qu'il peut avoir plus d'impact, tout ça. Donc, du coup, on essaiera de mettre en place un groupe beaucoup plus d'échange sur les expériences en fonction des régions, quelles sont les difficultés et quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour qu'on puisse échanger aussi avec les paysans aussi qui nous accompagnent beaucoup plus. Donc, c'est aussi l'appropriation aussi quand même de ces expériences avec les autres. Bonjour, merci pour votre témoignage. Je m'appelle Alex et je suis formateur pour éleveurs. Donc je connais bien tout ça et en fait je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit ici parce que il faut que l'agriculture, les gens puissent gagner leur vie avec et que en fait les agriculteurs ils se battent pour que leur culture elle soit viable. Et qu'ils font des choix qui sont des compromis. Ils font au mieux. Alors qu'on a une transition à faire. Il faut qu'on y aille ensemble. Mais il faut pas croire qu'ils font exprès de polluer. Et à ce sujet, l'agriculture en France, moi, je vois beaucoup de problèmes de solitude. Et le monde rural en France, il aurait besoin de retrouver des rencontres, de retrouver de la solidarité. Et je sais que c'est dans vos valeurs. Et je voulais savoir si vous faites des actions justement dans le monde rural, de rencontres, d'échanges, pour que en fait les gens se retrouvent et en fait retrouvent cette vie accueillante et ensemble, comme en fait ça aurait pu être avant et comme c'est un peu être dans vos pays. Merci. Là, si je peux beaucoup plus parler à l'antenne, par exemple, de Lyon, je pense que l'approche qu'on a mise en place, c'est d'aller vers les associations, qu'est-ce qu'ils font beaucoup plus, les assos, et aussi vers les fermes, qu'est-ce qu'ils font, et quelles sont aussi des possibilités aussi de rencontres ou bien d'échanges, tout ça. Et du coup, je pense qu'on a essayé quand même de rentrer en contact avec WOF France. WOF France, je pense, a aussi quand même de l'antenne ici aussi à Lyon, et du coup... Et là, on avait échangé beaucoup plus quelles sont les possibilités des stages, par exemple, même s'il n'y a pas l'emploi derrière, l'échange, c'est aussi les stages. Donc, du coup, les deux parties, je pense, vont être ensemble, de faire aussi des partages d'expériences, tout ça. Et nous sommes aussi confrontés aussi à des difficultés beaucoup plus d'ordre administratif, parce qu'au niveau de WOF, il faut absolument l'assurance pour la personne qui devait être là-bas. Et du coup, ce problème, je pense, nous a bloqué et qu'on n'arrive pas aussi à aller vers cette approche. Et dans les fermes, je pense que c'était facile parce que le mois d'octobre, moi, je pense que c'est le mois de septembre, je pense, Marianne. Du coup, je pense qu'on a envoyé une personne pour aller faire les stages pour 2 semaines dans cette ferme. Il est logé là-bas pendant 2 semaines et c'était bien passé. Et la responsable du ferme nous a dit qu'il y a aussi un réseau autour des Viennes. Je pense qu'on va essayer de les informer s'il y a la possibilité d'échange et de partage. Et là, je pense qu'elle va nous informer. On ira vers eux et voir maintenant quelles sont des stratégies qu'on va mettre en place pour qu'on puisse aussi échanger beaucoup plus dans cette approche. Et c'est aussi une vision, je pense, qu'on cherche aussi à le mettre aussi au niveau de nos antennes beaucoup plus. Pour répondre un petit peu, abonder un petit peu, mais je pense que si l'un de nos objectifs, parce que vraiment, pourquoi on fait voyage d'enquête dans les milieux paysans, dans les milieux ruraux? Parce que d'aller vers eux, de les rencontrer, de créer ces liens, de créer ces connaissances pour se connaître qu'est-ce que, quels sont les outils on peut mettre en place, quel que soit à nos côtés, à côté d'eux, pour que nous aider, pour qu'on puisse travailler ensemble pour quelque chose qui fait que, voilà, du coup, qu'on puisse vraiment créer cette lien. C'est pour ça qu'on est allé vers eux, comprendre leurs besoins et comprendre qu'est-ce qui vraiment qu'ils invitent, que voilà, du coup, on mette en place et comprendre leurs difficultés, leurs problèmes, ce qui les empêche vraiment à avancer, les choses qu'ils ont bloquées. Et qu'est-ce que nous, en tant que voilà, association ou qui vient d'être créée, qu'est-ce que nous, on peut apporter à ces sujets-là pour qu'on puisse vraiment créer ces, quelque chose, ça nous fait avancer ensemble, pour qu'on puisse vraiment... On sait que beaucoup, ils ont des difficultés pour payer quelqu'un, pour sortir un salaire. Parce que pourquoi on a beaucoup connaissance avec des paysans. On les discute tous les jours, on parle tout le temps. Et qui nous envoie un mail ou qui nous prend en contact, qu'ils ont envie de salarier quelqu'un. Ou soit ils ont un problème administratif. Comment on peut salarier quelqu'un qui n'a pas de papier français, par exemple? Il y a beaucoup qui posent ces questions. Et nous, on est arrivé vraiment à trouver des solutions, à faire cette démarche pour qu'on puisse aider, même s'il n'est pas de papier français, qu'il puisse vraiment aller travailler avec ce paysan. La première étape que moi, je vais faire, comme ça, il le dit, on discute avec les paysans et les personnes qui vont aller travailler pour expliquer qu'il y a des choses à régler et il y a des choses à respecter plutôt pour que chaque côté. Donc, on discute ça et la personne, qu'est-ce qu'on va faire? Il va faire une semaine de stage pour faire connaissance avec la personne et créer ses liens et connaître, voir comment ça se passe. Est-ce que la personne, il connaît déjà le travail? Est-ce que la personne qui voilà et voilà, est-ce que tu peux travailler avec? Donc ça a fait une semaine et tout le travail qu'on a pu obtenir avec des paysans, ça tout était passé comme ça. Donc tout est abouti comme ça. Une semaine après, soit un CDI, soit un CDD. Même si l'on parle papier français, ça arrivait quand même nous aider à faire cette étape, ça puisse avancer et tous les l'encoin qu'on a pu se passer avec des paysans qu'on a en relation, on a un lien avec eux. Donc des fois ça met du temps. Mais des fois, voilà, et même si ça met du temps, tant que ça marche, donc voilà, on avait dit, bah, il n'y a pas de souci. Comme il y a beaucoup de gens, et c'est très compliqué de trouver une solution à tout à la fois, quoi. Donc c'est vrai que tout ce qu'on se dit, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça nous demande aujourd'hui d'être très créatifs et de passer un peu à travers les lignes. Ça me faisait penser à ce que vous disiez, là, sur ce qu'on a mis en place, là, à Saint-Étienne, avec COPSOL 42. Donc c'est un collectif de maraîchage où on va sur des terres prêtées par des paysans, des gens comme moi hein, qui ne sont pas du tout maraîchères, et ensemble à une dizaine, on arrive à cultiver des patates, pas mal de choses en quantité, et c'est intéressant parce que c'est vraiment du lien avec le paysan très concret, et aussi du soutien hein, parfois on l'aide à sortir ses patates de terre. Et c'est vrai qu'il y a vraiment toujours ces questions de législation et de mise en danger hein, autour du travail dissimulé, autour de toutes ces questions qui sont très épineuses. Et on a pu mettre en place, c'est pour ça quand tu parlais du woofing, on a pu mettre en place un contrat avec le paysan qui ressemble beaucoup à cet accueil de woofers dans les terres. Donc, mais c'est vrai que ça demande chaque fois d'être un peu imaginatif parce que voilà, il faut en même temps, on est obligé d'être dans ce cadre ultra contraint. Et en même temps, il faut bien faire avancer les choses. Donc c'est super, hein, cette mise en route de... Puis comme vous disiez, là, sur aller rencontrer les gens et mener à bien des enquêtes, je pense que c'est vital. Et puis comme vous disiez sur le fait de... On a vraiment besoin de se former, parce qu'on tourne un peu en rond avec nos représentations, un peu sur l'universalisme, sur des choses qui nous paraissent un peu des évidences et qu'il faut vraiment qu'on re-questionne. Donc, c'est vrai que je vous invite à lire ce bouquin parce qu'il est extrêmement bien construit. Donc, j'avais envie de vous situer deux, trois éléments de différents articles, notamment sur l'autodétermination. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a en même temps à être créatif, mais on n'a pas tout à réinventer. Et dans le texte, dans un des textes, il y a toute la dynamique qu'avait développée Sankara, donc un chef d'État, sur la souveraineté de la terre et la reprise en main de la terre, avec toujours cette idée qu'il y a à revitaliser les modes autochtones. Il y a des modèles communautaires qui sont anciennes et qu'on peut vraiment sauvegarder parce qu'effectivement, hein, c'est des modèles extrêmement respectueux du vivant. Et avec, comme vous disiez, des vrais savoir-faire, hein, et des vraies connaissances. Et il n'y a pas besoin forcément de passer par l'école et des diplômes. Il y a vraiment une connaissance de la terre et comment on l'habite et comment on la développe et on en prend soin. Et puis, je trouvais intéressant aussi de parler de cette démarche. Alors, on commence à bien le connaître. Arturo Escobar, qui est anthropologue et qui a vraiment fait bouger des lignes autour de cette question de nature, de culture, de vivant. Et qui met en évidence, il est bien connu pour sa critique d'une domination occidentale responsable de l'appauvrissement des mondes. Et je voulais citer quelques passages de ce qu'il dit parce que je trouve que cette notion de pluriversalité, elle est indispensable sur le fait qu'on a vraiment besoin de sortir de nos schémas à nous. Et effectivement, un peu partout dans le monde, il y a des process qui existent et qui perdurent, et puis qui se développent et qui se réinventent. Donc il nous dit, Arturo Escobar, c'est la prise de conscience aiguë que coexiste une multiplicité de mondes enchevêtrés les uns aux autres, qui s'oppose au postulat d'un monde unique, issu de la modernité coloniale et du capitalisme mondialisé. La planète est aux mains d'une élite qui s'éloigne toujours plus de la vie vécue par la majorité des personnes et le monde non humain. Elle a le pouvoir de tout détruire au nom de ses seuls intérêts. Le fondement de la vie est l'interdépendance et non la séparation. Rien n'existe en soi, tout se constitue mutuellement. À partir du concept sud-africain d'Ubuntu, je suis parce que tu es, j'existe parce que tout le reste existe. Donc l'écologie de la libération, ça permet la transition vers d'autres récits de la vie et de l'humain. S'organiser horizontalement pour mettre fin aux ordres socio-économiques fondés sur la croissance infinie, la concurrence impitoyable et le capitalisme extractiviste. C'est vrai que ce bouquin, il met en évidence vraiment là où est l'ennemi et à quoi on doit s'attaquer. Et il met en évidence qu'effectivement, il y a une kyrielle de choses qui se développent. Et c'est vraiment la volonté de rien, surtout rien mettre en concurrence et au contraire de bien considérer qu'est-ce qui se passe pour les uns et les autres. Il y a aussi un texte assez édifiant qui parle de Frantz Fanon. C'est Norman Adjari, qui est philosophe, maître de conférence, et qui est membre de la fondation Frantz Fanon. Donc c'est vraiment... Frantz Fanon, c'est une figure majeure de la pensée décoloniale. Et à un moment donné, il dit « Il n'y a rien à sauver de ce monde. Il faut hâter sa destruction » et ainsi choisir la catastrophe que nous voulons. Donc, il n'a pas du tout été question de catastrophe, là, dans tout ce que vous nous avez dit, au contraire, de comment on construit les choses et comment on tient ensemble. Et je pense que ce qui est un peu nouveau pour nous et qu'on n'arrive pas bien à tenir, c'est comment on se rend compte. Donc, je vais juste témoigner, mais très, très rapidement, à Saint-Étienne, il se passe des choses. Alors, on sait très bien faire réseau, mais on sait très bien faire réseau entre nous. Et là, on a pu développer, sur la question de l'alimentation, je vous en ai un petit peu parlé quand on a fait connaissance, la question de la caisse sociale de l'alimentation. Hein, on a un petit stand là au salon. Ça fait depuis février 2025. Et actuellement, on est 100 cotisants pour cotiser à la caisse. Et on décide tous ensemble de qu'est-ce qu'on veut produire, comment on le produit et où sont les lieux où on va aller dépenser notre argent. Et on choisit et on définit qu'est-ce que c'est qu'une éthique. Qu'est-ce que c'est que la qualité et qu'est-ce que c'est qui nous convient à nous tous. Et ce que je trouve intéressant, parce que c'est un peu le tout début à Saint-Étienne, c'est d'arriver à décider ensemble avec des habitants de quartiers populaires extrêmement paupérisés, qui n'ont pas de revenus suffisants pour vivre, pour beaucoup qui n'ont pas de pavier d'ailleurs. Et puis nous tous, qui tenons à peu près le coup bon an mal an, et comment, à un moment donné, on crée vraiment un espace de décision démocratique. Et ça, la démocratie, c'est pas juste un beau mot qu'on entend beaucoup sur les antennes, c'est vraiment au jour le jour, comment on arrive à rencontrer les gens là où ils sont, hein, parce que comme vous disiez, il y a vraiment besoin de bosser, et on prend tout ce qu'il y a à tenir. Il y a aussi plein de trucs à régler sans arrêt, et là aussi, donc comment on rencontre les gens qui ont cette charge mentale permanente et qui font un boulot considérable pour tenir. Et comment on se met au diapason, comment on se forme sur ces réalités qu'on méconnaît tellement. Donc voilà, j'aurais été déçue de ne pas vous dire un peu tout ce qui existe dans ce bouquin. Mais on peut continuer le débat, on a tout notre temps. Hein. Oui, moi j'avais une petite question. Vous l'avez dit, pour beaucoup de paysans, paysannes, c'est compliqué de payer un salaire à quelqu'un pour les aider sur les fermes. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont prêts à s'investir, mais qui ont potentiellement aussi besoin d'un revenu. Et vous avez dit que vous aviez eu plein d'idées, donc vous avez un peu parlé du woofing. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres pistes sur, sur comment on fait pour pouvoir aller travailler sur une ferme, notamment légalement et financièrement? Bon, légalement, je pense qu'on est confronté beaucoup plus à des textes, beaucoup plus. Et je pense que nous sommes aussi accompagnés par des juristes bénévoles. Je pense qu'ils nous accompagnent sur le droit de travail, tout ça. Et du coup, quand on parle de droit, il y a toujours quand même des issues de sortie beaucoup plus. Donc du coup, il y a eu quand même toujours des issues de sortie quand même pour mieux contourner certains textes, tout ça. Et du coup, ces juristes nous ont accompagné à mettre en place un guide juridique beaucoup plus pour être un peu de gauche à droite afin de passer à travers à l'État, tout ça. Donc du coup, il y a un guide juridique et par exemple, si le paysan veut réécriter et qu'il a perdu beaucoup plus sur l'administration, tout ça, donc du coup, il y a des juristes qui sont là qui doivent l'accompagner sur la rédaction du contrat et aussi quand même sur la déclaration des impôts et tout ça. Donc du coup, il y a quand même des équipes qui sont dédiées sur cette poule, je pense, qui doivent l'accompagner au début, durant tout le processus, même sur les fiches de paye, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Donc du coup, il y a quand même des équipes qui sont spécialement faites pour ça et ils le font beaucoup plus. Et s'il y a des questions, tout ça, on les met directement en contact avec ces personnes et je pense qu'ils sont disponibles toujours quand même à répondre. Ouais. Et ce n'est pas facile parce que les paysans veulent faire comme ce qu'ils veulent faire, mais du coup, ils sont limités quand même par l'administration qui impose tout ça. Et voilà, c'est... Et du coup, la raison pour laquelle on dit beaucoup plus, il faut toujours qu'on soit unis quand même pour défendre une cause beaucoup plus. L'union fait la force beaucoup plus. Et on dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, je pense que ce pouvoir de ce peuple aujourd'hui, je pense, est parti de l'autre côté. Alors, il faut qu'on arrache ce pouvoir-là pour que chaque personne y vive dignement. Merci de me laisser prendre la parole. Je me présente, je m'appelle Joris Didier, j'ai 19 ans. Donc, excusez mon jeune âge et mes approximations certaines par mes connaissances du sujet. Mais je trouve que si je pouvais résumer en quelques mots cette conférence, ce serait l'humanité, la solidarité et la non-polarisation. Dans le sens où l'humanité, parce que comme vous l'avez si bien dit, nous sommes tous humains et nous avons tous une dignité humaine que chacun se doit de respecter. Et c'est ce que Rousseau évoque dans son contrat social. Mais également, il faut se battre pour un monde plus juste et plus égalitaire, où chacun, comme disait Charlie Chaplin, aurait la chance de travailler et assurerait à la vieillesse la sécurité. Or, c'est un monde qui se veut un idéal, mais je pense qu'on doit tous travailler ensemble, que ce soit dans le monde agricole, que ce soit les combats féministes ou encore les combats contre le racisme, pour tendre vers un objectif où chacun serait dans la dignité humaine et dans le respect de l'humain. Merci. Excusez-moi, je me permets de demander de manière plus concrète à l'association ACAT si vous auriez des exemples. Pour moi, l'association ACAT, c'est vraiment une possibilité de rencontre, de mise en lien avec les paysans, les artisans. C'est vraiment cette démarche, moi, qui me marque. Est-ce que vous avez... vous pourriez nous donner quelques exemples de mise en lien avec le milieu paysan et le milieu artisanal qui ont abouti vers une rencontre qui va plus loin que la rencontre, c'est-à-dire des stages, des embauches, des projets, pour avoir un peu plus de visibilité sur ce qui a pu se mettre en œuvre. Là, je pense sur l'antenne de Lyon, actuellement, je pense qu'on a déjà envoyé une personne au mois de septembre pour aller faire le stage dans une ferme pour 2 semaines. Et là, je pense qu'on a eu quand même des retours beaucoup plus positifs sur les 2 parties, parce qu'il y a eu quand même un échange de 2 parties et qu'il y a aussi quand même des impacts réels. Et la raison pour laquelle la dame nous a dit qu'il y a aussi un réseau quand même de fermes qui sont autour de Vienne. Ils seraient beaucoup plus intéressés quand même à nous rencontrer. Et là, je pense que c'était au mois d'octobre, tout ça. Et du coup, avec l'entrée d'hiver, donc du coup, c'est un peu difficile tout ça. Mais là, je pense que nous sommes sur le point quand même de revoir quelles sont les stratégies qu'on doit mettre ensemble et rencontrer aussi toutes ces fermes. Donc du coup, là, c'est ici au niveau, par exemple, de Lyon. Et dans le national, je pense qu'il y a aussi des projets beaucoup plus qui sont en cours avec d'autres associations aussi, avec des organisations par rapport à l'université paysanne, je pense, si tu peux ajouter. Donc du coup, c'est aussi quand même des visions beaucoup plus globales, je pense, au niveau beaucoup plus de l'Europe, beaucoup plus qu'il y a des gens qui sont intéressés d'autres pays aussi quand même, de voir quelles sont vraiment les visions quand même du monde des paysans beaucoup plus. Il y a ces difficultés, par exemple, la loi du plomb, par exemple, je pense qu'il vient anéantir carrément tous les paysans, tout ça. Quelles sont les stratégies qu'on doit mettre ensemble pour dégager toutes ces lois? Je pense qu'ils ne nous avantagent pas beaucoup plus. Donc, du coup, il y a eu quand même des mouvements, tout ça, et il y a quand même des approches qu'on essaie quand même de développer au-delà quand même du niveau national, tout ça. Moi, je veux dire, des gens qui ont pu vraiment trouver une solution pour qu'ils puissent obtenir un emploi. Il y en a des gens qui ont commencé, il y a Abdel Salam, qui a travaillé vers Centrafrique pendant un an, qui était, lui, il était juste vraiment basé élevage, quoi. Il a dit, je ne voulais pas d'autres domaines, j'ai envie de travailler dans ce domaine. Et on a essayé de vraiment voir quelqu'un qui a signé un contrat pendant... Mais malheureusement, ils ont arrêté parce que la personne, elle a arrêté d'élevage, donc elle a dit que moi, j'arrête. Le nouveau qui l'ont pris, donc ils ont dit que bah, nous, on est nouveau, on ne connaît pas tous ces domaines, donc ils n'ont pas pu le prendre. Mais ça l'a permis vraiment de travailler pendant un an. Donc c'était un lien qui était créé. Même là, d'autres gens qui voulaient que voilà, cette personne vienne travailler à Reims, qui voilà, du coup, l'élevage, il a dit qu'il allait même faire une formation en une semaine. Ils ont dit, bah, on va le prendre. Parce que voilà, du coup, la personne, il est calé dans le domaine. Mais celui qui a bloqué la situation, il est parti en Belgique. En retour, les flics l'ont attrapé. Donc il n'a pas de papier français. Donc il l'a mis... mise en situation sans suite. Donc voilà, du coup, il a du mal à venir en France, quoi. Pour le moment, il est en Belgique, donc il a perdu le boulot qu'il voulait reprendre. Sinon, il y a d'autres gens qui allaient travailler en Bretagne, et Abdoul, même là, jusqu'à présent, il est en contrat là-bas. Et il y a des ans, quelques personnes, Alia, qui étaient travaillées à Grenoble, qui avaient un contrat, et avec A4 même, qu'on arrive à vraiment faire un contrat pour des ans. Qui fait des fours, comme Abdoul qui a formé, Habib qui fait les fours avec une autre personne, qui arrive à former, à former d'autres personnes pour faire un four à pain. Il a fait au moins 100 fours en France pour faire le four à pain, pour faire du pain. Mais lui, actuellement, il a arrêté. Mais il y a d'autres personnes qui ont pris ces relais et qui faisaient cette four. Et ça le permet à la fois d'avoir fils de paye, à la fois d'avoir un travail. Et que ça l'aide vraiment à continuer. Même Abdoul, il vient d'avoir son papier l'année dernière. Mais actuellement, qu'est-ce que l'État met en place? Tous ceux qui ont des papiers, si les papiers, tu voulais les renouveler, les choses qu'il met en place, c'est... comment ça s'appelle? Mettre un truc sans suite, quoi. Donc à la fin, et que tu ne peux plus avoir ton papier. Moi, j'ai un papier pendant 10 ans. Ou 5 ans, 4 ans, j'ai envie de renouveler et on me dirait un papier sans suite. Donc la personne, il retrouve sans papier français. Et ça le met beaucoup de gens en difficulté, ça fait peur. Ok, des ans, on dit, j'ai 10 ans à trouver un papier, que je le trouve, ou 4 ans. Jour au lendemain, je le perds. Je préfère de ne pas avoir un papier même, un papier français même, plutôt que de l'avoir et perdre jour au lendemain. Ça encore fait plus mal. Donc voilà, C'est très compliqué de digérer toutes ces choses qui se passent et ça nous fait trop de difficultés. Mais les travaux qu'on fait, parce que... comment on dit ça? Voilà, on essaie vraiment faire maximum d'essayer d'encore aller plus... parce que là, on est avec des paysans qui ont... Comment ça s'appelle? Qui ont pas trop de revenus. Mais on n'a pas envie d'aller dans l'industriel parce que voilà, du coup, c'est pas quelque chose que nous, on a envie de porter. On a envie de porter dans tout ce qui est dans les bio. Et voilà, c'est là qu'on est né dedans. On a envie de porter dans cette voie et montrer si des gens ont envie d'aller dans les milieux agriculteurs, il faut aller dans cette voie. Et c'est malgré avec les difficultés, ça nous permet vraiment, certaines personnes arrivent à avoir un travail. Et il y a des activités qu'on est en train de développer dans l'association, dans les restaurations et dans les BTP traditionnels et dans les soudures en four. Et pour que voilà, du coup, et dans les, comme on avait dit, et pour que voilà, on puisse essayer de voir comment on peut trouver solution pour toutes ces activités économiques, ça puisse fonctionner. Plus on a plus des activités, des gens qui arrivent, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'être paysan. Il y a certains qui ont envie d'envisager dans notre structure, dans notre travail. Et comment on peut mettre vraiment toutes ces activités en place, ça puisse permettre à tout le monde, si quelqu'un qui a envie d'être éleveur, et dans les soudures ou pas, on sait que voilà, du coup, il y a cette activité, ça permet personne, on peut l'orienter vers là-bas, quoi. Mais pour le moment, tout en construction, donc comme l'asso, il est nouveau, et voilà, du coup, on a essayé de vraiment au maximum de mettre des choses en place pour que ça puisse vraiment fonctionner. On sait qu'actuellement, ça marche beaucoup, donc ça avance pas mal, donc on essaie de vraiment profiter, appuyer dessus pour qu'on puisse aller plus loin, pour que ça puisse aboutir et aider à des gens qui ont des difficultés comme moi, qui puissent trouver vraiment une solution dans leur situation, quoi. Bravo et merci. Parce que c'est vrai que c'est, oui, ça fait juste 3 ans que l'association existe et vous avez déjà mené à bien tellement de choses. Un immense merci.